Seigneur Lagrange. Quoi? Regardez-moi un peu sans rire. Eh bien. Que dites-vous de notre visite? En êtes-vous fort satisfait? À votre avis? Avons-nous sujet de l'être, tous deux? Pas tout à fait à dire vrai. Pour moi, je vous avoue que j'en suis... mais tout scandalisé! A-t-on jamais vu? Dites-moi! De paix provinciale! Faire plus les renchéris que celle-là? Oh, les deux hommes traités avec plus de mépris que nous? À peine ont-elles pu se résoudre à nous faire donner des sièges? Je n'ai jamais vu tant parler à l'oreille qu'elles ont fait entre elles, tant bailler, tant se frotter les yeux, et demander tant de froid! Quel aurait-il? Ont-elles répondu que oui et non à tout ce que nous avons pu leur dire? Et ne m'avouerez-vous pas enfin que, quand nous aurions été les dernières personnes du monde, on ne pouvait nous faire pire qu'elles ont fait? Il me semble que vous prenez la chose fort à cœur. Mais sans doute, je les prends! De telle façon que je me veux venger de cette impertinence. Je connais ce qui nous a fait mépriser. Et après, il n'a pas seulement infecté Paris. Il s'est aussi répandu dans les provinces. Et nos douzelles, leur ridicule! En ont tué leur bonne part! En un mot, c'est un ambigu de précieuse et de coquette que leur personne. Je vois ce qu'il faut être pour en être bien reçu. Et si vous m'en croyez? Nous leur jouerons tous deux une pièce qui pourra leur faire voir leurs sottises et leur apprendra à connaître un peu mieux leur monde. Et comment encore? J'ai un certain valet nommé Mascari qui passe au sentiment de beaucoup de gens pour une manière de bel esprit. Car il n'y a rien à meilleur marché que le bel esprit, maintenant. C'est un extravagant qui s'est mis dans la tête de vouloir faire l'homme de condition. Il se pique ordinairement de galanterie et de verre et dédaigne les autres valets jusqu'à les appeler brutaux. Eh bien, qu'en prétendez-vous faire? Ce que j'en prétends faire? Il faut. Mais sortons d'ici auparavant. Eh bien, vous avez vu ma nièce? Et ma fille? Les affaires iront-elles bien? Quel est le résultat de cette visite? C'est une chose que vous pourrez mieux apprendre d'elle que de nous. Tout ce que nous pouvons vous dire, c'est que nous vous rendons grâce de la faveur que vous nous avez faite. Et demeurons vos très humbles serviteurs. Vos très humbles serviteurs. Qu'ils sortent mal satisfaits d'ici? D'où pourrait venir leur mécontentement? Il faut savoir un peu ce que c'est. Hola! Que désirez-vous, monsieur? Où sont vos maîtresses? Dans leur cabinet. Que font-elles? De la pommade pour les lèvres. C'est trop pommadé. Dites-leur qu'elles descendent. Pandardes-là, avec leur pommade, ont, je pense, envie de me ruiner. Je ne vois partout que blanc d'œuf, les virginales et mille autres primborions que je ne connais point. Elles ont usé, depuis que nous sommes ici, le lard d'une douzaine de cochons, pour le moins. Et quatre valets vivraient tous les jours des pieds de mouton qu'elles emploient. C'est bien nécessaire, vraiment, de faire tant de dépenses pour vous graisser le museau. Dites-moi un peu ce que vous avez fait à ces messieurs, que je les vois sortir avec tant de froideur. Vous avez-je pas commandé de les recevoir comme des personnes que je voulais vous donner pour mari? Et quelle estime, mon père, voulez-vous que nous fassions du procédé irrégulier de ces gens-là? Nous voyons, mon oncle, qu'une fille un peu raisonnable se plût accommoder de leur personne.

de tépis. Coquine que vous êtes! Vous nous mettez dans de beaux draps blancs, à ce que je vois. Et je viens d'apprendre de belles affaires, vraiment, de ces messieurs qui sortent. Oh, mon père, c'est une pièce sanglante qu'ils nous ont faite. Oui, c'est une pièce sanglante, mais qui est un effet de votre impertinence, infâme! Ils se sont ressentis du traitement que vous leur avez fait! Et cependant, malheureux que je suis, il faut que je boive l'affront. Je jure que nous en serons vengés. Ou que je mourrai en la paix. Et vous, marrons, osez-vous vous tenir ici, après votre insolence? Traiter comme ça un marquis? Voilà ce que c'est du monde. La moindre disgrâce nous fait mépriser de ceux qui nous chérissaient. Allons, camarades. Allons chercher fortune autre part. Je vois bien qu'on aime ici que la vaine apparence et qu'on n'y considère point la vertu, toute nue. Bande d'arbres ! Nous allons servir de femmes et de rivets à tout le monde ! Voilà ce que vous vous êtes attirés par vos extravagances. Allez vous cacher, vilaine ! Allez vous cacher, pour jamais ! Qui êtes cause de leur folie, sottes pives et pernicieux amusements des esprits oisifs, romans, vers, chansons, sonnets et sonnettes, puissiez-vous être à tous les diables! Ah